Allez, je préviens. Une chose. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît. Débat de Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous. Donc vous êtes sur Fun Radio, donc toujours sur l'internet www.fr où que Rigo vous attend. Donc, bonsoir. Bon appétit à toi, Rigo. J'ai fini. Donc, au standard, vous avez Manu. Ah, n'appuie pas avec tes poings comme ça, tu vois, parce que ça s'entend. Mais je fais rien, là. Mais tu poses tes mains et tu les touches plus. Mais je fais rien, parce que tout à l'heure, je vais t'en mettre un coup de poing, moi. Voilà. Tu vas voir comment ça va faire. Donc, au standard, vous avez Manu. Bonsoir. Et Apolline. Et qui bonsoir, va, Gégé. Qui va faire le premier débat de sa vie. Avec de, ma vie, de ma vie, c'est quelque chose, quand même. Et donc, on récupère Grosse Méduse. Oui, oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir à toi. Bonjour. Bah, Gérard. Bonsoir. Banana Split. Slip. Oui, bon, bonsoir, Gérard. Bonsoir, Manu. Ouais. Bonsoir Fielder. Ah ben ça y est, les bonsoirs. Ça y est, les bonsoirs. Les bonsoirs, ça y est, on a compris. Petit qui, comment? On se calme. Ouais, on se calme. Déjà, quand je te dis que les bonsoirs, Gérard, c'est terminé. Gérard. C'est terminé, ok. Petit Guillaume. Bonsoir Gérard, bonsoir les habituels. Donc, ouais, ben bien sûr, les habituels comme toi. Ah non, pas du tout. Donc j'espère. De toute manière, je vais le savoir au fur et à mesure des questions. Pas de problème. Ouais, Tony. Il n'y a pas de Tony, allez, on y va. On va pas commencer, là. Papaye. Salut tout le monde. Donc, et puis Gigi pour finir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Alors donc, que veut dire le mot Club Med? On va demander ça à Gigi. Alors, Club Med, ça vient de l'arbre. L'arbre, le Med. Parce qu'au début, tous les villages, ils le construisaient autour d'un arbre qui s'appelait le Med et c'était le Grand Med. Excellent, excellent. Bon, alors, Tony, tu fermes ta gueule, dégage. Il est pas là. Si, il est là. Non, il est là. Non, mais même, de toute manière, attends, pour l'instant, c'est moi qui commande dans mes débats, je dois pas les habituels, donc il est là. Ils y sont pas. Non, à peine. Ah, il y a un mec déjà dans une cabine. Hein. Ouais. Des bons souvenirs. Non, Manu. Des bons souvenirs de la cabine. Ouais, non, mais attends, Manu. Attends, Manu. Attends, on va le choper. On va le choper à la sortie, t'inquiète. Ouais. Alors donc, vas-y, Tony, maintenant. Non, attends, Gérard, moi, c'est Gigi. J'ai pas envie de répondre. Je veux dire que moi j'étais géo au Club Med, donc je travaillais souvent au Club Med et je sais donc j'ai souvent bossé avec eux et je connais bien le Club Med. Mmh. Et donc en fait à l'origine, bon, les gens croient facilement que c'est Club Med, Club Méditerranée, mais non, ça vient d'un arbre. D'un arbre qu'on mettait au milieu des villages, c'est un rituel. Chez Wadana Squid, est-ce que je peux répondre? Non. Toi, pour l'instant, tu réponds pas parce qu'on t'a reconnu. Alors donc, c'est pas la peine de répondre. Tu fais partie de Poitiers. C'est pas la peine de répondre. Gérard? Oui. Je vais te demander si toi-même, tu avais déjà travaillé au Club Med. Parce que comme Géo, ils t'ont embauché, ça, c'est sûr. Non. Non, justement, je voulais. Comment? T'as voulu, parce que tu sais, il y a beaucoup de routiers qui sont devenus géo au Club Med. Il y a Lagaffe qui était routier, qui était géo. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Lagaffe, si ça intéresse quelqu'un. Alors, Manu. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Alors, Manu, quoi, tu me fais une chose. Oui. Tu me gères les gens. Parce que déjà, celui qui vient de dire qu'il travaillait au Big Bill, donc ça sert à rien, c'est David Alpa. Alors dans ce cas-là, moi je commence pas des débats comme ça. Gérard, il y a pas d'habituel. Alors arrête. Non, si, il y a des habituels. Il y a David Alpa qui a fait chier Sandy, qui a dit comme quoi qu'il allait appeler ce soir. Mais il est pas là. C'est nous qui rappelons les gens, Gérard, tu le sais. Et je t'ai expliqué dans la voiture. Non. Tu rappelles les gens sur quoi? Sur un bouquin avec tous les numéros. Alors donc il est hors de question. Ouais. On continue? Vas-y Gérard. Non, mais calme-toi Gérard, c'est pas bon pour ça. Ça il est hors de question. Alors maintenant on va en virer. Mais non, on veut dire personne. Déjà, Tam Tam, c'est pas la peine. Tam Tam, je l'ai pas encore rappelé. Non, mais de toute manière, c'était la semaine dernière. Alors moi, je commence pas des débats comme ça. Gérard, sur IRC, il y a Cyber Titi qui dit que tu fais une parfaite illustration de l'esprit Club Med. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le je m'en foutisme, le mec en a rien à foutre, t'es en vacances quoi. C'est un peu ça. Hein, Gérard? Non, non, mais de toute manière, il est là. Il est là, de toute manière, je veux pas de Tony, c'est tout. Non, mais GG, c'est moi qui ai sélectionné les auditeurs et il n'y a pas de Tony. Ouais, non, mais attends. Non, mais il a la même voix, c'est tout. Non, mais même, je veux pas le savoir. Alors, dans ces cas-là, tu vas prendre comme tout le monde. Moi, je veux dire une chose, faut pas prendre des habituels, faut pas qu'ils prennent... Mais GG, ils sont pas là, c'est moi qui les ai sélectionnés. Faut pas les prendre sous d'autres noms. Même s'ils sont pas là. C'est même si ça s'est Gérard, écoute, il y a Tony et Goldo qui sont là et il y a Arnett qui sont sur l'IRC, ils peuvent pas être en même temps, ils utilisent leur ligne téléphonique ouais, pour être sur l'IRC. Et l'autre abruti de comment qu'on l'appelle Oh, Sandy. Ah mais Gérard, ils sont pas là. C'est pas le débat en plus. On fait le débat. Non, mais c'est pas grave. En plus, ça n'a pas d'importance. Gérard, ce que j'aimerais bien très sérieusement, puisque on te dit qu'ils sont sur l'internet, tu peux faire confiance au moins à Rigo et à Pauline, c'est que tu avances sur le débat parce que ça fait 20 minutes que tu as commencé. Pour l'instant, on ne sait même pas le Club Méditerranée depuis quand ça existe et ce qu'on y fait. Alors maintenant, on va demander. Le Club Med, c'est fait pour rigoler, c'est pas fait pour faire la gueule. Si t'es là pour faire la gueule et que t'es jaloux. Non, mais attends, parce que j'avais demandé quelque chose dans la voiture. Ça a été fait. Ça a été fait. J'ai même pas les statistiques. J'ai que dalle maintenant. Il y a pas d'imprimante, il y a rien. Reste pas ce boulot. Pendant que Gérard regarde les statistiques, moi j'ai Pierre sur le Minitel qui demande ce que c'est avec la musique des yeux dans les bleus. Est-ce que tu pourrais le renseigner, Gérard? La musique dans les bleus. Non, la musique de la cassette des yeux dans les bleus. Tu sais ou pas? C'est la musique de la Coupe du Monde. Ouais, bah c'est Rodoudou. Hein. Ouais, voilà, grosse méduse. Pardon, excuse-moi, je vous ai écouté. Ça y est, ils sont là. Bien. Attends, toi, tu as commencé par faire du boulot correctement, parce que sinon, tu as morflé. Gérard, je vais juste te demander un truc avant, je vais savoir si t'avais vraiment été Géo ou pas. Parce que... Oh là là, mais qui c'est qui est dans une cabine? C'est moi. Qui, moi? Papaï. Oh ouais, mais Papaye, c'est pas possible là. Ferme la porte, Papaye. Non. Ferme la porte, je suis désolé. Non, Papaye, je suis désolé, on va pas pouvoir continuer avec toi, je suis désolé. Et Gégé, ouais, t'es dur, hein, quand t'étais dans une cabine, on ne disait rien. Eh ouais, mais moi dans c'est une cabine. Ouais, c'est non, mais attends, Apolline. Mais t'es dans un champ, la cabine. Attends. Moi dans la cabine, on n'entendait pas les voitures quand je faisais mes problèmes. Bah moi je les entendais. Hein, non. On les entendait déjà. Non. Alors donc pour Papaye, alors tu trouves un autre système. Bah j'ai mon portable, mais t'en veux pas non plus hein. Non, je travaille pas avec des portables. Bah voilà, je fais comment moi alors? Eh ben tu prends ton téléphone. Est-ce qu'on peut parler du club Méditerranée ou voilà? Quoi? Est-ce qu'on peut parler du club Méditerranée? Tu peux retirer ta main, ton doigt que t'as mis dans ta bouche? Oh, c'est ma voix, c'est le frère à Zozo. Bon, allez, on continue la première question. Banana Split. Tu pourrais me laisser répondre. Ah, mais merde, vous allez vous calmer, c'est moi qui commande. C'est une question, tu m'as pas répondu. Pour l'instant, vous allez répondre à la première question maintenant, ok? Ok. Oh là là, Manu! Manu, tu gères un peu le standard? Parce qu'on n'arrive pas à bosser tranquillement là. Vas-y Gérard, tranquillement. Alors, première question, on va demander à Grosse Méduse. Oui, donc la signification du club Méditerranée, donc c'est un club de vacances qui est donc sur la Méditerranée. Ce qui me paraît bizarre parce qu'il y en a en Espagne. Bon, il y a la Méditerranée aussi, tu le diras. Mais en Allemagne et tout ça, et moi je comprends pas pourquoi. On appelle ça le Club Med. Mais que veut dire... Oui. Oh, que veut dire Club Med? Voilà. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, club. Donc club de vacances. Ouais. En Méditerranée. Donc près de la mer. D'accord. Il y a des clubs qui sont pas près de la mer, si tu vois ce que je veux dire. Mais peut-être que Rigo peut renseigner tout ça. Excusez-moi, peut-être que Rigo peut nous renseigner sur le Club Med. T'as regardé sur internet? Alors ouais, j'étais en train de regarder là justement et je l'avais tout à l'heure et je retrouve plus. Mais en fait, c'est du suédois. Ah. Club Med en suédois, apparemment, on m'a dit ça voulait dire je vais passer des vacances chambées. Ah bah tu vois. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Tu crois que c'est ça? Non, personnellement non. Mais Rigo. Bon, s'il vous plaît. Oui, Gérard. Bon, Rigo, c'est pas grave si je crie, mais pour l'instant, excuse-moi. Ouais. Donc j'espère que moi je veux faire plaisir à Max. Je voudrais qu'on dépasse les 8000 personnes ce soir. Bah pour l'instant, je peux pas du tout savoir combien on est. On n'a pas l'air d'être beaucoup. Hein. Oh non! Ah, il y a un problème à l'internet, alors. Oh non! Dis-moi pas qu'on va faire la même audience que Max. Bah, on va voir. Je vais essayer de récupérer ça dans la nuit. Oh non, mais faut attaquer le débat. Donc, Banana Sleep, là. Banana Sleep! Oui, je suis là, je suis à l'antenne. Ouais, t'es à l'antenne. Ah, voilà. Donc, Moi, j'ai, en fait, moi, je t'ai dit que j'étais géo au club méditerranéen de, je sais pas si tu connais, c'est l'île de Pédos. Et on joue à cache-quéquette avec nos amis les Grecs. Non, mais c'est bon pour lui. Ah. Allez, hop, au revoir. Non, mais attends, je m'en occupe. Allez, au revoir, tu vas faire cache-quéquette dans ton lit. Hop, au revoir. Petit Guillaume. Non, mais c'est bon, lui, c'est même plus la peine. C'est même plus la peine qu'il revienne, hein. Tu le retires et tu prends quelqu'un d'autre sans Gérard, un nom. Gérard, oui. Sur l'IRC, il y a Davy One qui te demande s'il y a du soleil et des nanas d'Arla Didadada. Ah bah oui, bah ça, justement, voilà la question que j'attendais. C'est vrai que c'est un film que tout le monde a vu, je pense. Ça a été tiré par... À 5000 exemplaires. Non, un peu plus, mais c'était qui c'était Christian Saint-Pé. Oui, Gérard. Oui, c'était avec Michel Blanc. Ouais. C'était avec Michel Blanc. Ouais, Gérard Jugnot. Et Mireille Mathieu aussi. Et il y avait qui? Mireille Mathieu. T'as raison, ouais. Mais Gérard, tu ressembles à qui, à Mireille Mathieu? Mais je te dis qu'il y avait Mireille Mathieu. Mais non, il n'y avait pas Mireille Mathieu. Mais non. Donc. Je suis pas sûr. Hein. Mais non. Il y avait Madonna. Hein. Mais ouais, c'est ça. Pourquoi il n'y avait pas Sandy non plus dedans? Bah, je crois que je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu? Et t'as pas vu Tentacule en kill ta sœur? Oh, c'est pas bon, ce genre. Voilà, alors petit Guillaume. Ouais, Gérard. En fait, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Ça vient du brésilien. Et en fait, ça veut dire en français, en gros, tu peux me passer de la crème? Ouais. Ouais, mais merci pour les Larsen. Voilà, c'est super. Alors, merci pour celui qui a un portable. C'est encore meilleur. Alors là, je crois que ce soir... On est gâtés, hein. Là, on est gâtés. Merci, je sais. Ouais, ben, je crois que là, vous avez fait peur entre les cabines téléphoniques. Allez, on va avancer quand même, Gérard. Hein, Gérard. Papaye. Oui, bah, tu veux toujours me parler, hein, même s'il y a des voitures derrière? On s'en fout, vas-y. Allez, accouche. Oh, bah, me parle pas comme ça. Ouais, allez, dégage. Allez, hop, au revoir. Ouais, comme ça, tu répondras demain. Gigi, t'as répondu? Ouais, j'ai répondu, mais tu m'as pas répondu à la question. Est-ce que t'as bossé au Club Med, toi? Parce que t'es un peu joué à Fun Radio. Non, moi j'ai jamais travaillé dans un Club Med. Et est-ce que ça t'aurait plu? Personnellement, non, parce que faut se dire une chose, que c'est pas évident de travailler là-dedans. Pourquoi? Déjà, pour pouvoir comprendre certaines langues. Donc pour parler. Ouais, faut parler l'anglais. Il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a l'italien, il y a l'espagnol. Ouais. Il y a. Turc aussi. Non. Si, c'est vachement important. On va peut-être en parler. Apolline, avance pas trop dans le débat parce que je pense qu'on va en parler avec Gérard. Non, justement, il y a pas les langues. Donc il y a même, je crois que si je me trompe pas, il y a même des gens qui ont du mal à s'exprimer en japonais. Ah ouais. Donc là-dedans, c'est pas évident. Rigo, une question. Non, un sondage. J'ai un sondage de THX sur l'IRC. Alors, je l'ai pas lu encore. On va le vérifier en même temps. À la question, avez-vous déjà été au Club Med? 25% des personnes ont répondu oui s'il y a des soirées sodo. 25% seulement si Sandy et Géo et Sus pour 5 balles. Ah, désolé, j'avais pas lu. 55% ne connaissent pas le Club Merde. Alors moi déjà j'ai un petit sondage. Êtes-vous déjà allé au Club Med? 40% sont hétéros. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est à peu près le même truc. Donc 30% ne s'en rappellent plus. Ouais, 30% ne s'en rappellent plus. Et 26% ne veulent pas en parler. Et 10%, si je pouvais avoir un peu plus de lumière. Ils sont allés en deltaplane à pédale. Donc, je vois pas du tout ce que ça veut dire. Bah si, ça veut dire ce que ça veut dire, baby. Bon, bah, ça veut dire... Oh, vous êtes à l'antenne, oh. Alors, d'après vous... D'ailleurs, excuse-moi Gérard, avant, pour remplacer Bananas Slip, on a que le Popeye. Bonjour Popeye. Bonsoir. Bonsoir Popeye. Bonsoir à tous. Salut Popeye. Salut Popeye. À pas confondre avec Papaye, Gérard. Ouais. Je voulais seulement dire au boss de l'émission que si on est en antenne, c'est impossible de travailler. Ouais, bah alors dans ce cas-là, si c'est impossible de travailler, tu rentres chez toi. C'est une plaisanterie. Ouais, une petite private joke. Gérard, sur IRC, il y a Seigneur qui te demande si on peut rentrer en basket. Bah justement, c'est... Non, c'est faux, c'est faux. Tu me crains pas, Gérard. Oh là là là là là. Ça dépend des Club Med. Bon, GG, on en est où? Parce que ça avance pas, hein. C'est bien, mais il faudra peut-être qu'ils arrêtent de couper. Donc, je voudrais savoir, hein, la place de Papey, là, on l'a virée ou pas? Ou elle est toujours là, elle? Ah non, on l'attèche comme une merde. Non, non, mais... hop, pour elle, c'est terminé, hein. Ouais. On reprend quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, d'après vous, le Club Med est-il réservé aux couples de 60 ans ou autres? On va demander ça ben, à Popeye. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grabataires qui sont abonnés au Club Med, parce qu'en fait, l'air et le soleil leur permettent de retrouver... Non, mais attends, la question, tu l'as bien comprise, oui, ou pas? Tu me parles des gens de plus de 60 ans, c'est ça? Est-ce que... Alors, d'après vous, le Club Med, okay, est-il réservé aux couples de 60 ans ou autres? Ah, s'il est réservé, c'est-à-dire, en fait, est-ce que toi, quand tu vas avoir 60 ans, ouais, ou par exemple une personne de 25-30 ans, ouais, pourra y aller? Voilà la question. À mon avis, le Club Med, c'est ouvert à toutes les personnes désirant s'amuser. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, ça, c'est faux. Ouais, tu peux préciser? Non, comme tu quoi, peux, non, mais tu peux non, quand même le faire, parce que tu m'as tendu la perche. Ah bah oui, bah, de toute manière, je suis là pour tendre les perches aux gens. T'es un peu comme le maître nageur. Voilà. Sauf que c'est pas nager, quoi. Tant que t'éjacules pas, c'est bon. Attends, si j'éjacule pas, dans ces cas-là, terminé pour toi, Popeye. Gigi. Attendez, il y a une question Minitel avant de... Attention, si ça parle de 110, c'est pas la peine. Ah non, non, Gérard. Ah non, non, non. Okay. C'est Nomade du département 11 qui demande si... enfin, il dit que les portables ne sont pas autorisés au Club Med, c'est inadmissible. Ah bah ça, je veux te dire une chose. De toute manière, les portables ne sont pas autorisés dans les trains, dans les avions. Et pourquoi c'est pas autorisé au Club Med, là? Ah mais ça, attends, pour l'instant, on ne sait pas si c'est... Non, lui, il me dit que ce n'est pas autorisé parce qu'il a été dans un Club Med l'année dernière. À 11 ans? Non, dans le département 11. Ouais, mais il a 19 ans. À 19 ans, il a déjà été... Avec ses parents, ouais. Je pense pas que dans les Club Med, les portables, ils les interdisent. Hein. Bah, à mon avis, je pense pas. Non, je pense pas. Si, ils les interdisent. Bah, Rigo. Sur IRC, on me demande si les portables, ils sont autorisés au Big Bill, par contre. Non plus. Ah ben ça, mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont tous, là? Qu'est-ce que ça vient foutre, le Big Bill, là-dedans? Mais qu'est-ce que... C'est qui? Ah, c'est qui? C'est qui? C'est-à-dire qu'il y a que, il y a non, mais attends, c'est naze. Pour l'instant, il y a. Non, mais c'est pas le terme du débat, ce que je veux dire. Non, mais voilà, pour Gérard, Rigo, il me donne les questions. C'est naze. Donc, pour l'instant, il y a que lui, okay, à peu près, qui Gérard, fait à peu près du breu. Bon boulot. Le problème de l'IRC ce soir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment peu de personnes. J'ai pas encore les chiffres, mais apparemment, on est moins de 1000 personnes. Ça craint pas mal, vu que la semaine dernière, on avait dépassé les 7000. Donc, j'essaye de trouver des trucs intéressants. C'est nul. Ouais. Non, mais attendez, s'il vous plaît, les 901, auditeurs. On est 901. Non, mais oh, là, attendez, là, les auditeurs de l'IRC, ça se voit que c'est les vacances. Hein, parce qu'apparemment, vous. C'est pas les vacances, c'est pas les vacances. Si. C'est naze. Non. Non, pour l'instant, c'est les vacances de février pour la. Non, c'est la fin de l'année, hein. C'est à la fin du mois. C'est non, pour l'instant, c'est les vacances de Pâques. C'est les vacances de février. Ah, les vacances de Pâques. Ouais, pour la zone B. Ouais, ben dans ce cas-là, je pense que on va s'amuser, hein. Ouais. Ouais. Non mais dis ce que tu veux dire, Rigo. Gérard, t'as l'heure, s'il te plaît. Non, oui, il est 0h56. Voilà. Gigi. Ouais, moi ce que je vais dire, c'est que je bosse au Club Med. Donc je suis en ce moment au Club Med d'Avoriaz, donc je peux tout de suite répondre. Oui, il y a des personnes de moins de 60 ans. Et il y a aussi des zones portables. On a fait un peu comme les zones fumeurs, non fumeurs, on a fait des zones portables, pas portables. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'amuser avec le portable et sans le portable. Mm-hmm. Donc, et puis il y a les gens aussi avec les portables de moins de 50 ans. On a des zones portables de moins de 50 ans, des zones portables de plus de 60 ans et des zones autres. Donc, on va accueillir grosse poulpe. Oui, bonsoir, Jean. Ouais, ben, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Crème solaire. Oui, bonsoir. Oh là là, mais c'est quoi, oui, ce téléphone, là? Il y en a un qui a un portable, hein, ou un sans fil. Allô, bonsoir. Oh là là, c'est quoi, là? On m'entend bien, là? Allô? Allô, là. Ah, il y a quelqu'un qui a un portable, je crois que ça va pas être. C'est quoi, là? Il y a une masse, dans le combiné. Ah voilà, c'est mieux. Ah. Mais non, ça revient. C'est de la masse. Oh, j'ai quelqu'un qui est confortable. Déplace le micro vers la gauche. Ouais. Attends, celui-là. Ouais. Ah bah voilà. Voilà. Alors, c'est ça. résolu. C'est quoi cette histoire? Bravo Manu, hein. Attends, je vais réessayer. Attends, on va réessayer. On va réessayer, voir si ça le fait. Merde. Ah ouais, attends, on va l'enlever. Allô. Ah bah celui-là, on le met de côté, il est mort. Gérard, tu peux continuer, vas-y. Donc, on va accueillir... Femme solaire. Non, mais ça y est, on vient de te dire bonsoir à toi. Oui, mais j'ai pas dit bonsoir, bonsoir. Et je voulais seulement avertir Fildar que la prochaine fois qu'il met en antenne, je lui décolle complètement les oreilles de la tête. Ouais, bah alors dans ces cas-là, tu vas aller revoir Manu. Non, mais tu vas aller voir Manu. Tu vas aller voir Manu, il va te décoller les oreilles lui-même. Ok, en de bon entendeur, salut. Salut pour Manu. Non. Tu me reprends. Allez, Gérard, le débat, GG. Bon, allez, GG, les questions. Donc, Arnaud, ou qui c'est qui m'a marqué ça? Ananas. Ananas, pardon. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Bikini. Bonsoir, Gérard, ça va? Et Parasol Bleu. Salut, Gérard. Je voulais souhaiter un bon anniversaire, Sandy. Ouais, bah, pour un 170, elle est pas là. Je voulais saluer quand même les gens sur le Minitel qui sont pas mal. Il y a As de cœur, il y a Seigneur, il y a As de cœur. On est 43 connectés. Sur internet. Ça remonte, on est 1380, ça remonte doucement. Ouais, ben, je pense que. C'est bien déjà, Gérard. 1h08. Personne fait ça. Non, mais 1h08, d'habitude, on était plus loin. Alors, d'après vous, donc, la dossier, on l'a fait. Donc, peut-on faire des rencontres de stars ou autres au Club Med? On va demander ça, grosse poule. Oui. Grosse poule. Donc oui, moi j'ai déjà rencontré une star au Club Med, j'ai rencontré effectivement Corbier. Ouais, ça c'est sympa. Il m'a joué un petit morceau de guitare, c'était au Club Med à Okio. Ouais. C'était très très abusant. D'accord. Crème solaire. Moi j'ai pas eu cette chance d'aller au Club Med, mais j'aurais bien aimé. Mais oui, il paraît que c'est très très réputé pour y avoir justement beaucoup de stars, beaucoup de gens célèbres. Ouais, tu peux préciser. Aznavour, Sardou. Phil Mitchell, Led Zeppelin. Isor Leclerc aussi. Mm-hmm. Isor Leclerc Thomas. Ananas. Yeah. Lee Majors. Ananas. Moi je pense aussi qu'il doit y avoir pas mal de stars, parce que vu que c'est très cher, tu vois, ils ont la thune pour se payer, quoi. Et ouais. Mais je sais pas qui, quoi, mais bon, c'est clair que vu les gens qui vont là-bas, il doit y avoir pas mal de stars, quoi. Ok. Bikini. Je sais pas s'il y a beaucoup de stars dans les clients, mais il y a en tout cas parmi les gens qui ont travaillé au Club Med, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des stars. Il y a eu Agaf, il y a eu Dominique Farrugia, tu sais, ce mec des nuls, tout ça. C'est vrai que Gérard. Il y a des qu'on commence au Club Med. Oui, Agaf, il a bossé au Big Bill, hein. Enfin, il a bossé au Club Med avant de faire Big Bill. Ça se voit, hein. Il était Géo. Qu'est-ce que t'en penses? Il était routier aussi, Agaf. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Celui qui vient de dire qu'il était routier. C'est peut-être vrai, mais là, le... Non, la GAF, il a jamais été routier. La GAF a été joué au Club Med. Tu crois que c'est bien d'avoir commencé au Club Med pour faire le Big Bill ou pas? Je sais pas. Je peux pas te dire, moi, je peux te dire une chose que. Non, mais est-ce que tu crois que depuis qu'il a fait le Club Med, il fait bien son émission de TF1 le Big Bill? Oh, bah attends, de toute manière, un présentateur, un animateur comme lui, de toute manière, t'en trouveras. T'en retrouveras pas. C'est clair. Moi, j'ai lu un article où certains géos qui avaient travaillé avec lui l'aimaient pas du tout. Hein. C'était quelqu'un qui faisait des accents belges, des accents arabes, et qui énervait les gens. Il se mangeait pas mal de caillasse. Ouais. Et puis les gens l'aimaient pas du tout, en fait. Ouais, ouais. Mais Gérard. Non, il faut que je te le dise, hein, parce que j'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, parce que je sais que toi, tu l'aimes beaucoup, cette espèce de beauf, donc voilà. Alors, l'espèce de beauf, Tony, merci, au revoir à toi, merci. Non, faut quand même pas déconner, là, je viens de retrouver. Non, attends, tu crois que je t'ai pas reconnu, là? Ah, Tony, il est sur l'IRC, il peut pas avoir... Mais attends, mais c'est qui, là? C'est un autre, c'est peut-être quelqu'un qui a la voix qui ressemble. C'est moi qui ai choisi les auditeurs. Mais arrêtez de... Parce qu'il a la même voix que Tony. Mais même, punaise, mais j'en ai ras le bol, hein. Et ben même si il a la même voix, faut lui changer sa voix. C'est mais même, il a pas à passer, c'est tout. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas Tony. Bon, Bikini. Ouais, j'ai une question à poser à Rigaud. Non, il n'y a pas de question à poser à Rigaud. Tu réponds aux questions ou pas du tout? Ouais, c'est Bikini. Comme je viens de dire, il y a beaucoup de stars qui ont commencé à travailler au Club Med. Te fous pas de ma gueule, toi, là-bas. Mais non, Gérard, je te dis d'avancer dans ouais. Bref, allô? Oui, t'es là, vas-y, on t'écoute, ouais, mon grand. Ouais, okay. Donc, je te disais qu'il y a beaucoup de stars qu'on commence à bosser au Club Med, mais pas pour les clients, j'en ai pas vu des masses. Hein. D'accord. Parasol Bleu. Ouais, bah, il y a beaucoup de stars qui ont fini en faire leur carrière au Club Med. comme Patrick Topalov, Jaco, des fois fait des galas aussi. Cousteau. Non mais je pense que là pour l'instant je vais vous dire une chose que de toute manière vous, dans un club vous allez jamais rencontrer des stars. C'est pas. J'ai vu Bonnéen. Pourquoi? Non, de toute manière, les stars vont s'amuser pas à aller dans les... Ma gueule, c'est moi qui pose la question, d'accord? Le pourquoi j'en ai marre? Et pourquoi? Est-ce que tu... Ta gueule, avec tes pourquoi, non, excuse-moi, je vais pas dire pourquoi. Est-ce que tu trouves que c'est cher, alors, le Club Med, s'il y a... Parce que... Mais c'est cher, ben justement, la question... Pourquoi? Ah bah... Oh, ta gueule, avec tes pourquoi aussi, Gérard, au lieu de faire tes dessins de merde. Et celui qui avait un portable, dégage. Gérard, pour calmer le débat. Rien à foutre d'Internet. De quoi? Mais vous en avez rien à foutre d'Internet, moi j'en ai rien à foutre de votre gueule. Gérard, c'était ta voix, ça, je te signale. C'est pas grave. Ouais, bah, toi, t'arrêtes, ok? Bah, j'ai rien fait. T'arrêtes. Bah, j'arrête de rien faire. C'est pas grave. Vas-y, Rigo. Oui, il y a Davy One sur l'IRC qui te demande si tu fais partie du club mec. Le ouais, club mais celui là. Bon, bah, je répéterai alors. Ah oui, mais qu'est-ce que tu... On va pas lui attacher les mains. Non, je stoppe pas. C'est lui, là, il arrête pas de faire des conneries. Il me passe des saloperies, là. Mais non. Eh, je te préviens, tu t'amuses pas à me passer Christine et tout ça, ok? Bah non. Parce que sinon, ta gueule, elle est démontée. D'accord? Bah oui. Et toi, le cochon, c'est je pareil. Je m'échauffe la voix. Ouais. Non, mais on peut même connecter sur Internet. On remonte, on est à 1400. Voilà. Bah, tu vois, Gigi, on va y arriver. Mais vu qu'ils ont entendu ta voix dire on s'en fout de l'Internet, je sais pas s'ils vont arriver. Hein. Ouais, mais c'est qui? C'est l'autre abruti, là. Alors maintenant, vous allez arrêter. Il y a Sheikh Emad sur le... J'en ai rien à foutre de Sheikh Emad sur l'Internet, d'accord? Non, là, moi, je veux 8000 personnes sur l'Internet. Ta gueule avec tes conneries. Il y a Ratou sur le... Ta gueule. Demande si la fin du trône, c'est comme le Club Med ou pas. Non. C'est une question Minitel. Non, j'en ai rien à foutre, je répondrai pas sur les questions Minitel. D'accord. Je réponds que sur les questions Internet. D'accord, bah ça sert à rien de vous mettre sur Minitel, ça sert à rien, les auditeurs, vous pouvez déconnecter. Hein. Mais maintenant... On était quand même 1400. Ouais, 1400 sur Minitel, tiens, mon cul. Tu le prends pour une tasse à café, tu veux un an, ça va être. J'aimerais bien, ouais. Comme ça, tu boiras ton café avec. Gérard, alors, s'il te plaît. Ta gueule, toi. Alors. Fais gaffe, tu cognes vachement, t'as vous cogné quand vous faites ça, ouais. Ça cogne grave d'abord. Alors, combien de Club Med existe-t-il et où se trouve-t-il? Oui. On va demander ça à Grosse Poule. Poulpe. S'il te plaît. Donc, oui, il en existe à peu près. Je sais pas, au niveau de centaines. Tu peux me dire où qui se trouve? Alors en France, je crois qu'il y en a 5-6. En Suisse, en Allemagne. Oh là là là là! Attends, Grosse Poule, oui. C'est toi qui a un téléphone pourri? Ah non, moi j'ai un téléphone de très haute qualité. Alors qui c'est qui a un téléphone pourri? C'est un Sony? On veut des noms là. Non, c'est pas un Sony, non. Ah, de mal. Bien sûr que c'est un Sony. Moi qui ai pris Sony. Je pense que c'est un Nokia, moi. Ouais, ben pour l'instant, au standard, vous maintenez votre. Je pense que c'est un Nokia. Gérard, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si... Rien à foutre d'Internet. Voilà, ah, c'est pas moi, Gérard, c'est dans l'ordre. Ah ouais, là... Non. Pas de ça vient, ça. Il éjaculait pas. Bon, alors, hop, terminé. Non, arrêtez les auditeurs. Non, c'est pas les auditeurs, c'est vous qui... C'est vous qui chopez les auditeurs, ok? Mais Max. Arrêtez. Je ne cherche pas, vous êtes responsable au standard. Mais regarde, Gégé, pose tes questions et puis tout va bien. Ouais, attends. De manière, c'est le premier débat que tu fais, tu vas voir comment ça va se passer. T'es nul. Toi aussi. Il va te serrer la vis. Toi aussi, t'es nul. Moi, je le sais, moi. Mais non, mais j'essaie d'arranger les choses. Non, moi, je veux pas le savoir, vous vous démerdez. Bah voilà, vas-y, pose les questions, Gégé. En attendant, il y a Yankee sur l'IRC qui te demande si t'as vu Jimi Hendrix au Club Med de Brest l'année dernière parce qu'il y était. Non. Il y a une question sur Minitel de Yankee qui demande s'il y a un Club Med. Non, j'en ai rien à foutre. Il y a un Club Med à Suresnes ou pas? Et sa mère, elle a monté un Club Med. Bah non, justement, il demande s'il y a un Club Med. Vous m'éteignez le micro au standard, s'il vous plaît, vous faites votre boulot. Putain, merde, c'est une pute. Ah, bon, alors. Oh là là. Ah, Gérard. Bon, bah, Gérard, mais Gérard, viens. Attends, mais j'ai trouvé qui c'était, on l'a dégagé. Gérard, tu refais le débat, Gérard? Gérard, on continue ou pas? Non, mais je reprends, on va Faut pas essayer de rayer les noms. Maintenant, vous me faites une liste correcte au standard et c'est tout. Ouais, parce qu'il y a des limites. Ouais, celui qui a été dire que ma mère c'était une pute, je ne veux pas le savoir. C'était tout à l'heure, c'est fini. Voilà, on continue. Il y a un peu de gens qui sont arrivés sur l'IRC. On va bientôt dépasser les 2000. Donc, s'il te plaît, Gérard, on fait ça bien. Alors donc la question c'est combien de Club Med existe-t-il et où se trouve-t-il? Et pour ça on récupère. Ah bah non, bah t'es sympa, non, j'ai pas le temps là. Ah bah t'as pas le temps, dans ces cas-là. Lis un sondage pendant ce temps-là, Gérard. Qu'aimez-vous trouver au Club Med? Alors il y a 42% qui aiment leur forfait lavage, rinçage et essorage, je ne sais pas ce que ça veut dire. 23% adorent leur géo en string. 15% aiment trouver des cafards dans leur couscous. Et 9% aiment que le géo Gérard fait son striptease. Alors là, des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Ça va, Gérard, t'es pas le seul au monde à t'appeler Gérard, hein, je te signale. Ouais, mais même, il y a beaucoup de géos qui s'appellent GG, c'est leur petit. Ouais, non, mais même des conneries comme ça, c'est même non, pas. Non, mais il y a un Gérard qui est géo à Nice. Ouais. Et il est très connu, donc à mon avis, c'est lui dont il parle. Ouais, je pense pas. Je pense pas, à mon avis. Si, GG. Tu sais, Gérard, t'as les nouveaux auditeurs. Alors donc, on va accueillir qui? Bip bip. Ouais. Bonjour, Gérard. Bip bip. Ouais. C'est la teuf. Monsieur Duce. Oui, bonsoir, tu es avec un D. Bonsoir. Bonsoir, tu vois. Eh, GG. Quoi? Bip bip. Ouais, ma merde. Petit perroquet. Allez. Eric. Jean-Jean. Bonsoir, équipe de les belettes. Et Patrice Juliette. Salut, Gérard. Bonsoir à toi. Je voulais simplement dire que le Ciné Club, là, juste avant, c'était un grand moment de radio. Ouais, mais. Excellent. On n'en a rien à foutre du Ciné Club, ok? Parce que moi, je voulais raconter Titanic, si c'est possible. J'ai vu ce film. À un moment, il y a Jacques qui est sur le parapet, comme ça, il fait un. Il l'emballe comme un chacal. C'est super, Titanic, ça, je vous reproche. Bonsoir. Alors, la question, c'est combien de clubs? Oh merde, à toi! Parce que tout à l'heure, tu as dégagé, bip bip, ok? Mais c'est pas moi, Gérard. Bon alors, tu t'écrases. Mais j'ai rien vu. Peut-on faire des rencontres intéressantes de... Ben non, on l'a posé. Combien de Club Med existe-t-il? On a déjà fait, Gérard. Non, personne n'a répondu. Gérard, à ce propos, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si on peut trouver un Club Med sur l'océan Pacifique. Alors, sur l'océan Pacifique, c'est possible. Ben non. Quoi, non? Attends, parce qu'il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Je pense ça. Ouais, d'accord. Donc, si vous voulez pas me laisser répondre, ben, vous avez raison. Alors maintenant, bien sûr, alors maintenant, toi qui dis on s'en fiche, tu vas répondre. Non, tu vas répondre. Tu vas répondre, t'as ouvert ta gueule, maintenant tu réponds. Attends, mais essaye de pas être trop agressif avec moi, je te kiffe. Ouais, ben pour l'instant, tu vas répondre et tu vas l'affirmer. Oui, mais la question, le problème, c'est que t'as posé trois questions, t'as dit que celle-là elle est pas bonne, celle-là pas bonne, et il y en a une qui est bonne, mais je sais pas chez laquelle. Bon, alors, dans ces cas-là, tu retournes au standard, tu retournes au standard. J'en ai marre de retourner. Ouais, t'en as marre. Ben moi, j'en ai ras-le-bol de t'entendre. C'est qui ça? Non, mais c'est pas grave, j'ai pauvre. Non, c'est qui? C'est qui? C'est. Attends. Pablo. Voilà, vous droit d'égo, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, qu'est-ce qu'il vient faire encore là? Manu! Tu fais ton boulot correctement, merde! Monsieur Deux. Mais putain, mais c'est pas vrai! Je vais répondre à mes questions. Calme-toi, Gégé, t'occupe pas d'eux et continue. Putain, mais vous allez faire votre boulot, standard ou quoi? Je vais le trouver, je sais pas d'où il sort, mais je vais le Gérard, trouver. Gérard, c'est pas facile à gérer le standard. Ouais, c'est pas facile. Vous avez qu'à faire votre boulot. Vous êtes à 24 heures sur 24, vous êtes même pas capable de me trouver des auditeurs potables pour un débat. Vous me prenez des habituels. Gérard, sur IRC, pour te calmer, il y a Checkmat qui te demande si au Club Med, on peut se faire faire le maillot. Comment ça? Se faire faire le maillot. C'est pas ce que ça veut dire? Non. Bah, c'est demande. Se faire raser, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y a des centres d'épilation dans les Club Med? Voilà. Oui. Oui, justement, c'est une question qu'on va poser pour maintenant. Mmh. Une fois qu'au standard. Manu, plaque à pas ta gueule! J'ai rien fait. Il a rien fait, GG. Merci à vous. Putain, vous allez... Vous deux, vous allez commencer à faire votre boulot correctement. Après, on discutera. D'accord. Ok. Alors maintenant, vous éteignez vos micros et vous me cherchez des gens. Voilà. Hein? Parce que les micros allumés, j'en ai ras-le-bol. Ouais, c'est pas comme ça que vous allez trouver des gens. Alors, fais gaffe, Manu. Au standard. Alors, bah vas-y, GG. Bah attends, pour l'instant, t'es même pas capable de bosser. Putain, c'est pas possible. Bon, alors on en est où, GG? Donc, on revient toujours à la même question. Ouais, donc il reste qui, là? Alors, qui c'est qu'on a viré? Moi, on a viré tout le monde. Il y a Bip Bip encore. C'est Eric Jean-Jean qui est parti. Ouais, c'est ça, Eric Jean-Jean qui se faisait passer pour eux. Là, pour Eric Jean-Jean. Autre. Ouais. Alors, Bip Bip. Ouais. Oui, exact. Allô? Ah, hein, oh, tu réponds! Excuse-moi, Jean, mais j'étais hors antenne parce que Mali m'a pris hors antenne et j'ai pas entendu ta question, moi. Ouais, vous me pétiez de répéter les questions. Monsieur Luce. Eh ben, Gérard, c'est pas gentil. Moi, j'ai tout à fait compris ta question. Ouais, Tony. Non, pas du tout. Non, mais mets un mouchoir devant. Mets un mouchoir devant. C'est de... pas mouchoir, qu'est-ce que tu veux? Merci. Merci, c'est Tony. C'est Tony. Mais merde, je vous dis que c'est lui, il met un mouchoir devant son combiné. Ouais, peut-être. Et attends, il a dû changer de numéro 3, non, c'est pas possible. Non, mais attendez, un mouchoir devant un combiné, on peut changer sa voix. Gérard, Gérard, pour calmer le débat. Oh là là, moi j'en ai ras-le-bol. Allez, moi j'arrête. Gérard, arrête. Mais non, j'arrête. Vous faites que de la merde ce soir. Mais c'est qui, Tony, d'après toi? Dis-moi. Et là, c'est monsieur Duce. Monsieur Duce. Et alors, qui c'est qui l'a pris? C'est toi, Pauline? Non! Merde! Vous me faites chier, là, ce soir! Gérard? Donc, pour calmer le débat. Vas-y, rigole. Oui, non, il y a Fouras qui passe le bonjour à sa mère. Merci. Ouais, bah, c'est bien. Donc, on récupère le coquillage. Ouais, bonsoir, Gérard. Bonsoir. Snoopy. Salut. Salut, Kiwi. Ouais, salut GG, j'arrive en renfort, j'espère que ça va bien se passer. Et serviette de plage. Salut Gérard. Salut à toi. Donc la question, donc seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med? On va demander ça à Coquillage. Moi je pense pas, parce que je pense que le Club Med, c'est pas terrible quoi. Moi je fais tout le temps Cap Estérel, tu connais non? Non. C'est sur la Côte d'Azur. C'est où qui tourne, comment? La série Sans Limite, tu connais? Non. Bah, c'est une série qui passe sur la Une. Et puis, moi, je trouve que là-bas, j'ai rencontré, il y a 2 ans, Olivier Panis, qui était là-bas. Ouais. Franchement, c'est mieux que le Club Med, hein, parce que j'ai des copains qui ont été. D'accord, là, c'est bon, Snoopy. Ouais, tu peux me rappeler la question, s'il te plaît? Oh non, mais tu es... Non, je répète pas les questions. Alors, vous prenez Snoopy, vous deux. Gérard, sur IRC, on me demande que tu répètes la question parce que non plus, ils l'ont pas entendu. Ah non, mais alors, seriez-vous prêts à tout quitter pour aller au Club Med? Alors, maintenant, vous allez prendre Snoopy en antenne et vous lui faites comprendre. Parce qu'il y en a ras-le-bol que je répète tes questions constamment. Alors, Kiwi. Ouais, bah écoute, moi GG, je te dis aucun problème, je serais prêt à tout plaquer parce que bon, j'ai pas trop de vie privée, moi j'ai rien, j'ai pas de travail, mm-hmm. Pas de copine, j'ai pas de vie privée, j'ai pas de vie sexuelle, j'ai rien, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Donc à la limite, ouais, je pourrais tout plaquer quoi. Mais non mais Kiwi. Non mais c'est vrai quoi, je suis un peu qu'une merde quoi, j'ai déjà du mal à passer à la radio, tu vois, donc voilà. Non mais Kiwi. Ouais. Kiwi, moi je te demande, est-ce que t'es prêt, tu vois, de toute manière tout à l'heure on a demandé, est-ce que vous êtes prêt à faire des rencontres? Bah ouais, je pourrais plaquer tout ou rien quoi, c'est tout ou rien, voilà. Non mais est-ce que au Club Med, ouais. Dans un Club Med quand tu y vas, ouais. De cette manière tu es... Qui c'est que ça? Oh là, c'est RTL qui déborde ou quoi? Parce quoi, il y a Kenny au standard ou quoi? Non, c'est Jean-Pierre. C'est quoi? La fête de la musique. Non, pas lui. Non, il est pas là, non, il est pas là. Pas lui. Non, mec, il limite ça. Kiwi. Ouais. Donc, pour revenir à ta question, donc, de toute manière, je pense que la question, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Bon, vas-y, je t'entends, moi. Donc, la question, c'était, est-ce que seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med, tout ça? Ouais. Donc, bon, dans un Club Med, meilleur, normalement, tu peux faire des rencontres. Ah bah, ouais, tu vas un peu pour ça au Club Med. Il y a la plage et l'écu, quoi, quand même. Ouais, mais je pense que t'as la plage, t'as la bouffe aussi. Merci pour le double son. Donc, t'as la plage, t'as la kinésithérapie. T'as ça. Ouais. T'as la télé d'assaut. T'as l'assaut. T'as la télé. Ouais, t'as pas mal t'as de la trucs. Piscine, t'as le jacuzzi, t'as tout ça en fait. Bah, t'as pas mal de trucs. Serviette de plage. Ouais, bah, moi, en fait, j'en serais pas capable parce que je suis allergique au soleil. Mm-hmm. Ah, c'est con ça. Mais la crème. La crème, c'est bah ouais, mais ça me coûte vachement cher en crème, quoi. J'ai essayé, alors je vais taper plutôt les Club Med en Norvège, quoi. Ouais, bah même, attends, tu vas en Norvège, c'est pareil. Dès qu'il fait chaud, c'est pareil. Ouais, mais la crème solaire, elle est moins chère là-bas. Ouais, d'accord. Attendez 5 minutes, oui. Ouais, à la place de coquillage, on accueille Tom Cruise. Bonjour, Tom Cruise. Salut. Salut, Tom. Salut, Tom. Salut, tout le monde. Allô? Salut. Ah? Salut. Salut. Coupe ta radio. Voilà, ta radio, s'il te plaît, merci. Allô, le truc, là. Allô, j'ai... T'éteins ta radio, on t'entend. Il n'y a pas de radio derrière moi. C'est un portable. Ouais. Terminé. Non, c'est bon, change de téléphone. Non, mais. Il a peut-être un autre téléphone, c'est bon, alors. C'est mieux. Attends, mais moi, je peux pas faire des débats dans des conditions comme ça. Allô, ça va mieux, là? Ah bah oui. Ah bah okay, oui, internet. Tout de suite. Ouais, excusez-moi. Ouais, bah moi j'appelle, j'ai été barman au Club Med et j'ai un peu tout laissé tomber justement pour y aller parce que en fait ce qui s'est passé une fois je suis rentré plutôt que chez moi. Attends, 5 minutes Tom Cruise parce que là il y a une question importante hier, c'est peut-être. Oui, il y en a plein malgré qu'on soit pas tant que ça. Il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si on peut faire de la clitothérapie au Club Med. Oui. Avec les doigts ou pas? Comment? Avec les doigts ou pas, je voulais savoir. Et c'est manuel comme travail ou pas? Avec ma bite dans ta bouche, tu peux le faire? Attends, un massage, tu le fais avec les doigts, tu le fais avec les mains. Je voulais savoir si c'est pareil. Ok. Bah réponds-moi. Non, mais moi je te dis, c'est bon. Ça y est, j'ai répondu à la question. Ah donc, non, là, tu m'as pas répondu tout, là, tu m'as pas répondu. Ah, mais moi. Pas répondu. Vas-y, moi je te dis que tu peux faire avec tout. Bah vas-y, réponds, avec tout. Ça y est, je viens de te dire avec tout. Ouais. Ok. C'est limite, hein, quand même, comme réponse. Bon. Serviette de plage, donc pour finir. Bah, je t'ai répondu, Gérard, non? Ah ouais, Tom Cruise. Ouais, ben moi en fait, une fois je suis rentré chez moi plutôt que prévu, j'ai trouvé ma femme au pieu avec mon meilleur pote et j'ai décidé de partir au Club Med. Non, mais attends, Tom Cruise. Ouais. Non, mais Tom Cruise, ouais. Tom Cruise, ouais. Je crois qu'apparemment t'as pas compris la question. Si, ben moi j'ai tout quitté. Non, écoute Gérard, lui en fait c'est une déception amoureuse. Au Club Med, tu vois. Ben attends, mais est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour aller? Bah oui. Il y a un portable. Oh non, c'est ce qu'il a fait. Non, moi je peux pas continuer. Ouais, attends, l'autre là, t'as un son pas pourri. Ouais, c'est toi qui déconne. Ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il avait un problème avec sa femme qui l'a quitté. Donc, pour se changer les idées, en fait, il a tout plaqué pour aller au Club Med. Voilà ce qu'il a dit. Donc, ouais, bien sûr. Et j'ai toujours encore le même son. L'autre, il est toujours avec son portable. Alors, quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination? Tu demandes à qui? À Snoopy. Snoopy. Attends, Gérard, je suis en train de voir avec son téléphone. Ah, c'est Snoopy qui a un téléphone. Ah, d'accord. Alors, Kiwi. Ouais, bah, faut déjà savoir dans quelle monnaie. Ah oui, c'est intéressant. Ah ouais, en francs, en euros, en quoi? Pour un son, je parle pas d'euros, d'accord? Non, mais attends, ok, bah alors 2000. Quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination? Ça dépend combien de temps on y va. 2000 copains. Oh là là là là là là là. Mais qu'est-ce que c'est que ces auditeurs que vous m'avez choisi? Non, mais on va dire un voyage de 15 jours. Et en francs. C'est qui, oui, d'ailleurs? Non, mais qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est que ces auditeurs que vous me prenez là? Et GG, franchement, on a essayé d'assurer. Ouais, vous assurez rien du mais tout. C'est toi qui est un peu dur, je pense. Non. GG, je peux répondre? Ouais. Parce qu'il y a un blaireau qui parle par-dessus moi là. Ouais, bah, le blaireau, c'est Manu. Non, c'était un gamin au standard. C'est Manu. 2000. Je te dirais 2000. Ouais, 2005. Tom Cruise. Tu vois, il est là, le blaireau. Oh là là là, oh, putain, vous, que, de, vous, 2005, c'est pas beaucoup quand même. Bon, de toute manière, c'est la dernière question, hein, Gérard, j'irai pas plus haut. Gérard, sur IRC, il y a Cyber Titi qui trouve que t'es vraiment trop bonnard. Comment ça? T'es bonnard. Ben, qui explique de préciser. Bah t'es bon, quoi. Attends, je suis bonne cochonne et je suis pas une nana, espèce de con. Bah oui, il est con. Ok, alors, en demain entendeur, salut pour toi. C'est Tom Cruise. Ouais, bah bonne nuit à toi. Au revoir. La suite, il y a qui encore? Snoopy. Ouais. T'as entendu la question, Snoopy? Attends, laisse la répondre, Gégé, elle va répondre, regarde. Mais attends, elle est au standard, elle a même pas compris la question, et il dorme là. Je suis en train de me dire qu'il fallait que j'écoute bien ce que tu disais. Mais voilà. J'étais pas attentif, j'ai engueulé et tout. Voilà quoi. Oh là là. C'est pas faut pas qu'elle pleure. Bon, allez. Mais Gérard console là, elle pleure. Bah ouais, non, mais j'en ai rien à foutre. Mais tu l'as fait pas. Ouais, t'as du monde derrière, vas-y. Vas-y, Snoopy. Les auditeurs. Non, vas-y, Snoopy. Vas-y, t'as du monde chez toi, alors dégage. Hop, au revoir. Elle a du monde derrière. Elle a du monde, je peux pas la dégager, elle pleure. Gérard. Je m'en fous, tu dégages les gens. Alors, t'as pas de cœur, Gérard. GG, quand même, tu fais tomber Sandy et tu fais pleurer les filles, ça se fait pas. Ouais, je pleure pas. Ouais, ça. Bon, allez, conclusion du débat, parce que vous me faites chier. Gérard, j'ai une bonne question. On est que Thierry à la place de Tom Cruise, merci. En plus. Et j'ai une bonne question sur IRC de Wanobi. Il te demande pourquoi il y a des piscines au Club Med alors qu'il y a la mer à 300 mètres. Bah, il ne peut pas y avoir patinoire. Bon, pour l'instant, c'est moi qui réponds. Donc, pourquoi il y a des piscines au Club Med alors qu'il y a la mer juste la mer à côté. À côté. Donc, c'est pour que les gens... qui puissent aller dans la piscine s'ils ont des problèmes de santé. Ah, ok. Voilà. Donc, alors, de toute manière, je pense qu'on va avoir toujours l'autre avec sa conclusion. Attends, c'est pas fini. Non, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il faut savoir gérer les auditeurs, c'est tout. Quand c'est pas les habituels, ils sont minables. L'autre. L'autre, tu la bières et puis c'est tout. Eh ben, ouais, continue, alors. C'est tout. Ouais, mais on a un nouvel auditeur là, Jerry. À la place de Tom. À la place de Tom Cruise. Ah bon, en plus. Ah non, mais de toute manière, on est remonté, on a. Ça pleut beaucoup quand vous tapez encore. Ouais. Ça tape. Il y a combien de connectés sur internet ? On est remonté, on est à 3720. Non, mais de toute manière, on n'aura pas les 8000. Hein. Ah bah non, c'est clair. C'est si ça, le débat continue, on peut les attendre. Ah non, si t'arrêtes maintenant, ils n'auront jamais. Tu vas t'arrêter, il y a 3800 connectés sur internet. Alors, qui c'est qu'on a ? Jerry, à la place de Tom Cruise. Non, mais... Hey. Alors là, au standard, vous allez vous prendre... Vous allez vous faire engueuler. Ouais, on gueule pas, on parle. Maintenant, vous allez pas me reprendre les mêmes, parce que coquillage, il se fait passer pour Tom Cruise. Non. Maintenant, il se fait passer pour Jerry. Tiens. Mais non, GG. Comme ça, non. Pas à moi, à d'autres. Bah, si. À d'autres. Bah, non. À d'autres. Écoute sa voix. Écoute la voix de Jerry. Tu sauras. Tu verras que c'est pas la même. Bah, ouais, mais attends. De toute manière, il y a pas longtemps que t'es là. T'es là depuis lundi. Donc, les jeudis, quand je commande, c'est moi qui commande les jeudis. D'accord? Ah, ouais. C'est d'accord. Pas toi qui commande. D'accord. C'est moi. Ok. Donc, quand je te dis de prendre des gens au standard, tu fais ton boulot et c'est tout. T'es là que pour faire ton standard. C'est tout. Oh là. Ouais, mais c'est comme ça avec moi. Okay. Gérard, il rigole pas. Ouais, il rigole pas. Tu prends comme tu veux. Ouais. Ça te plaît, ça te plaît, par ça te plaît pas, c'est le même prix. Par le trou, par le cul, par où tu veux. De manière, si ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, c'est le même prix. Non, mais ça me plaît, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à toi de faire gaffe. Un conseil averti en vaut deux. Je te préviens, ça fait déjà deux fois que je vous engueule. Alors, attention. Ouais. Toi Manu, pour l'instant tu fermes tes gueules parce que t'es capable de rien foutre. Ouais, mais c'est pas le même, toi, alors moi je te prends des gens si t'en veux pas. Toi pour l'instant t'es en train de garder ton casque, il y a que Apolline apparemment qui a l'air de bosser. Toi t'es en train de garder ton casque et toi tu fermes ta gueule. T'as 24 lignes là et... Ah non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Y en a c'est pas impossible. Il n'y en a pas 24. C'est pas compté. Non mais là pour l'instant tu laisses tout sonner et tu prends personne, alors, c'est tout. Manu. T'es toujours avec ton casque. Hein, depuis tout à l'heure, je te vois, tu es en train de rien foutre. Alors, ça va comme ça, ce soir, t'es nul, t'es zéro. T'es bien. T'es un cave. Ouais. Oh non. T'es carrément un cave. Oh. Tu ferais mieux de retourner chez toi, d'aller voir ton bébé rose. Bon, continue. T'es dégueulasse avec moi. C'est pas grave, Manu, c'est pas grave. Attends, on va faire plein d'enfoirés. Ouais, alors. Même le dimanche, vous êtes même pas capable de bosser correctement. Ah, c'est dégueulasse. Bon, allez, Gigi, on continue le fleur Manu et puis on continue les questions. Ouais, mais. C'est dégueulasse! Ta gueule! Manu, ok, on accueille les gens. Qui c'est donc à la place de Tom Cruise que tu m'as dit? Jerry. Bonsoir. Salut. Alors donc la question c'est quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination? Bah ça dépend de la destination, il y a plein d'endroits au Club Med. Tu peux aller au Baléares, tu peux aller dans le Pacifique, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller partout. Non mais quels sont les prix? Ben si tu vas mettons à Hawaï, c'est tout de suite 10 000 balles pour 15 jours. Mm-hmm. Si tu vas au Baléares, c'est moins cher. C'est 3 500. Quelque chose comme ça, quoi. Maintenant, ça dépend aussi combien de temps tu restes, où tu vas. T'as plusieurs tarifs, plusieurs organisations, c'est variable. Ouais, mais il y a une question que je suis en train de me poser, parce que justement, quand je pose la question, quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination, il y a une question que je me demande, et ça, je pense que Jerry, serviette de plage, kiwi, ouais, et Snoopy, tu vas pouvoir répondre. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si par exemple vous partez par des agences de voyage, est-ce que vous avez des tarifs ou pas? Bah non. En fait, quand tu regardes le Club Med, c'est quand même le plus cher, quoi. Non mais attends, tu peux, c'est qui là? C'est Snoopy. Ouais, tu peux préciser? Bah tu regardes, moi je me suis renseignée, tu vois, pour les vacances, le Club Med c'est 5 000 balles la semaine par personne. Donc ça fait cher quand même, tu vois, ouais, mais pour la France. Ouais mais tu pars où toi? Bah tu regardes sur Marseille dans le sud de la France, tu vois, en restant sur la côte. Non, je pense pas. Parce que moi je veux te dire une chose, j'ai pu voir des petits sondages comme ça. J'ai pu voir des sondages. Je pense que pour une semaine, par exemple, tu pars en Italie ou en Espagne, t'en as déjà pour 15 000 francs. Mais attention, non mais 15 000 francs, t'as le billet qui est compris. Ah ouais, mais moi je peux parler sans voyage, tu vois, parce que je restais en France, c'est pour ça. C'est vrai qu'avec le billet d'avion, ça fait encore plus cher. Hein. Puis en plus, c'est dans l'aéroport, au club, il y a des bus, tout ça, donc faut payer tout ça. Hein. Bah de toute manière, normalement, non, je pense pas, Snoopy. Normalement, non, je pense pas. Parce que dès que tu arrives à l'aéroport, mmh, normalement, t'as une personne avec un panneau qui dit pour le Club Med ou je sais plus. Ouais, voilà, mais tu vois, après, ils t'emmènent vers un bus, il faut que tu prennes le bus. Mais même, de toute manière, de l'aéroport pour aller jusqu'à, par exemple, la chambre d'hôtel où tu veux aller, ouais, normalement. Non, attendez, s'il vous plaît, derrière, merci. Normalement, c'est pris en charge. Ouais, c'est pris dans le cul. Non, pas dans le cul, parce que toi, tout à l'heure, dans le cul, c'est qui dit ça? Dans le cou? Non, c'est qui vient de dire dans le cul? J'ai compris dans le cou, moi. C'est Pedro. Ah, Pedro, c'est quoi, lui? D'où qui te sort encore, celui-là? De l'hélico. D'accord, Manu. Bosse bien. Bosse, Manu. Bravo. Merci. Bravo, connard. Merci. Pour l'instant, tu es en train de perdre des dessins alors que je te demande de savoir qui c'est qui dit. Mais il a répondu, c'est pas bon. Une brochette de gogo. Gérard, sur IRC, il y a Père Fouras qui dit à RIP, officiellement, tu peux pas faire rentrer des gens à l'école, mais bon, on passe pour cette fois. Non, mais attends, c'est pas du tout la question. On parle pas de l'école. Bon, toi, tu t'écrases, ok? On parle pas de l'école, c'est vrai. Tu t'écrases. On parle pas de l'école. Tu t'écrases. Mais attends, on parle pas de l'école, c'est tout, je veux dire. Tu t'écrases. Il est à côté de la plaque, le gars, c'est tout. Ouais, Emmanuel, au lieu de dessiner. Il y a des sujets tabous. Non mais attends. Ouais, là, je pense... Tabous de vache. Tabouze. Allez. Hop. C'est même pas la peine qu'on continue parce que là, ça sert à rien. Ouais, c'est vachement intéressant. Non, c'est vachement intéressant. Toi, t'es à moitié endormi, tu fais que tes dessins. Alors, terminé, hop. Basta, terminé, point final à la ligne. Conclusion du débat, je sais qu'on va il y en a qui vont être malheureux, hein, c'est clair. Si on va avoir une conclusion sur l'internet. J'attends que tu continues et qu'on arrive à la conclusion parce que c'est pas l'heure de la conclusion. Ah bah si, il est 2 heures, donc moi je fais conclusion parce que l'autre il est même pas capable de bosser, donc merci Manu. Ouais, mais non. Non, c'est terminé. On va les auditeurs, on va faire chacun. Non, il y a plus de quart d'heure. Non mais Gérard n'a pas envie ce soir, donc on va laisser tomber. Vous allez faire chacun votre conclusion et puis voilà. Hop. on pourra dire merci à Manu. Merci Manu. Bah, t'arrêtes pas de lui dire merci depuis tout à l'heure, donc on va faire la conclusion. Donc, maintenant, alors, conclusion, Snoopy. Bah, moi je trouve que le Club Med, tu vois, c'est bien, mais c'est encore un peu cher, quoi. Bah, ouais, mais ça, j'y suis pour rien. C'est le gouvernement qui a décidé ça et on pourra rien faire d'autre, hein. C'est tout. Ouais, voilà. Et je pense qu'il devrait faire de tarifs, tu vois, pour les jeunes, pour qu'on puisse partir moins cher pendant les vacances. Bah, ouais, bah, voilà. Donc, dans ces cas-là, faire des tarifs comme la SNCF ouais. pour les moins de 25 ans. Ouais, ouais, justement. La première semaine gratuite et puis on paye la deuxième si on est content. Non, mais justement, le débat de la semaine prochaine va porter sur les tarifs pour les jeunes. Oh non. Ah, d'accord. Quoi, oh non ? Ça, c'est vachement intéressant. Hein. Tu sais qui vient de dire oh non ? Ah, puis tu vas être vachement au courant en plus. Ouais, ah, ah. Ouais. C'est vrai, t'es quand même une vieille croûte. Hein. Ouais, bah moi je t'emmerde, toi, connard. Oh là, les filles. Bravo Manu. Ouais, bravo Manu. Merci. C'était une nana, hein. J'ai déjà reconnu une nana. Ouais, hein. Merci Manu. Alors Kiwi. Ouais, bah écoute, j'ai été très honoré de participer donc à ton débat, GG, ça s'est pas trop mal passé. Et je voulais encore te remercier pour ces 10 minutes de bonheur intense avec une belle brochette de gogol. Non, bah, de toute manière, c'est toutes les semaines qu'on a des gogoles grâce au standard. Ouais, alors. Des plus ou moins gogoles quand même. Non, mais de toute manière, grâce au standard, on a des gogoles. Il y en a un qui garde son casque constamment. Ouais, moi, je serais que lui, je me mettrais un casque chez moi et je dormirai avec. Mais non, ok, d'accord, je l'enlève. Mets-le. Larsen, Manu. Gérard, moi j'ai plein de conclusions sur l'IRC. Ouais, alors déjà. Conclusion d'Arnett qui dit le jour où Gérard sera sympa, on aura tout vu, car pour l'instant c'est trop le roi des. Et aussi des ouais. Pas sympas. Gérard, ce soir tu as été vraiment pas gentil. Alors Arnett, si c'est le roi des cons, bah toi. Ah, il l'a pas dit, hein, il a dit. Non, mais de toute manière, il l'a pas écrit, il a mis des étoiles. Ouais, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Donc Arnett, dans ce cas-là, toi aussi t'es le roi des cons. Et toute la bande avec. La Basile. Il y a aussi une conclusion de Davy One qui dit qu'il n'y avait personne sur IRC ce soir et que les internautes sont sûrement partis au Club Med. Et il y a une conclusion de Turpentine qui dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Voilà, bah, de toute manière, Turpentine, comment qu'elle s'appelle ? Turpentine. Alors Turpentine, de toute manière, je commence à en avoir ras-le-bol de toi toutes les semaines. Alors donc, t'arrêtes de me balancer tes saloperies, ok ? C'est vrai que t'as une queue dans la tête, hein, quand même. Et moi, je t'emmerde. Moi, je t'emmerde, connard. Ah, mais c'est vrai que t'as une queue dans la tête. Alors, serviette de plage. Ouais. D'abord, moi, je trouve ça regrettable que Tony, Arnett, Goldo, tout ça n'aient pas pu participer. Ouais, parce que c'est aussi leur débat et c'est sympa quand ils sont là. Non, mais pour l'instant, serviette de plage. Oui. C'est pas eux qui commandent, c'est moi, parce que c'est moi qui fais mes débats, d'accord ? Ouais, non, donc, si je les veux pas, c'est mes problèmes, d'accord ? Parce que j'aime pas qu'on me traite de dire de retourner à la desk comme Tony Lapé. Et comme. Non, mais attendez. L'histoire. Non, mais même, et là, tout à l'heure, il y en a une ou un qui était dire que ma mère c'était une pute. Oh, alors, ça, non. C'est Cartman. Non, mais moi je veux pas le savoir. Donc, okay, d'accord. Maintenant, d'accord. Terminé. Donc, serviette de place, je t'ai répondu. Donc, c'est moi qui commande. Donc, Tony et Arnett ne passeront plus dans mes débats. Ouais, enfin, c'est regrettable. Sinon, si ma conclusion, ce soir, c'était pas Club Med, c'était plutôt Club Merde. Parce que c'était tes questions, c'était vraiment à chier, quoi. Ouais, dans ce cas-là, tu restes chez toi et t'écoutes, ok? En demande entendeur, salut. Je te kiffe. Jerry, moi, je te kiffe pas, ok? Moi, je te kiffe. Pas moi. Jerry. Ouais. Moi je trouve que le Club Med c'est bien surtout si on a envie de s'éclater la queue pendant 15 jours parce que y a que ça à faire là-bas et puis c'est cher mais bon niveau cul ça vaut le coup quoi. Non mais de toute manière c'est vrai que au Club Med quand tu vas c'est vrai que tu t'éclates un maximum parce que tu vois pas mal de nanas bien branchées dans tous les sens du terme tout à fait, tu t'éclates tu les vois bien branchées question sous-tip et petite culotte là ils sont sur la plage ouais mais là t'en prends plein ton grade voilà. Bon tu me diras c'est cher dans un sens oui et non parce que en fin de compte c'est un truc qui faut se dire c'est cher dans un sens oui pourquoi parce que bon en fin de compte ça dépend ce que tu veux faire là-bas ouais. si tu vas pardon reculer pour 100 balles c'est bon quoi non mais si tu vas Jerry Ouais. Bon, Jerry, c'est à toi que je réponds. Donc, si tu vas pour, par exemple, pour faire une cure ou autre, bon, je pense que pour 15 000 balles, ça dépend de ta destination, mais c'est vrai que après, ça devient cher. C'est vrai, parce que déjà, t'as le billet d'avion, après t'as la chambre d'hôtel, on sait pas si c'est compris dans tout ça. Ouais, mais tu peux baiser dans l'avion, tu peux baiser dans l'hôtel, tu peux baiser partout, ça va, ça revient. Ouais, non mais même, je suis pas trop d'accord là avec ce que tu dis. Gérard, dépend, sur IRC, en conclusion, Tony, il te demande s'il peut passer la semaine prochaine parce qu'il te kiffe. Non.